fais du mal, soit tu paieras. Et arrête de dire que tu me verras. Tout ce qui a de la valeur se fera. Que ce bouchon là tu me verras. L'espoir est passé, la douleur résiste. L'orage a éteint tous les cierges. La main imposée où les peines résident. Je parle frangin dans le ciel. L'amour je l'ai appris tout au fond du bouche. Flocon des cailles 07. Break, mon pote a cassé sa cassette sec. Y'avait les condés sur ses boules. Les whisky m'ont mis comme des verres d'eau. Des diables avec moi pour m'épauler. Faudra consommer pour décoller. Des grammes de cheche dans le cerveau. L'histoire elle est sans putain désolé. Les mecs dans le plan étaient carbo. Partous dans l'appart on est ado. Ma tête n'y est pas, j'file mon POV. Toujours été droit, pas de handi. Jamais agi par la lâcheté. J'te donne le plan de son shit, mais j'dois boycott son GHB. La manière de voir tourner Bonnie. J'suis moins amoureux quand j'ai craché. Un brouillard épais dans la trachée. Un moustache fera tout ce qu'il a promis. Le ciel était gris, l'organe rocailleux sous le barbe. J'suis l'enfant de manche, j'suis l'enfant de Dieu. Je pars dans le feu à la sortie. Les cœurs ont subi, les visages, les crifs. 15 ans que j'suis ivre. J'ai mangé le mur, t'as pas idée. J'ai fini blessé à force de vivre. Ce que je vis, ce que je vois, ce que je fais tous les jours, t'as pas idée. Tu dis que c'est le sangré, en vrai tu l'as pas aidé. Je voulais te parler, t'expliquer, mais tu m'as pas laissé. Je voulais te pardonner, mais des fois te réapparaissais. Sais-tu vraiment gros la vie qu'on a? Je donne toujours mon cœur par bénévolat. Fais du mal, sois sûr tu paieras. Et arrête de dire que tu me feras. Tout ce qu'a de la valeur se fait rare. Pousse le bouchon là tu me verras. Harlequin dans la pocket, t'es dans la socket. Tu sec à la soviet, cœur dans les sommes pocket. J'pars à la conquête, j'rappe à la sauvette. Tire-moi vers le haut, bise pas la putain. Tout pour les miens, ma seule requête. J'écoute pas la piquette, c'est pas mon blême si les raquettes. Je meurs pour Aken. Putain de routine, j'suis dans la cuisine comme Gordon Ramsay. Format usine, cousine, tout le monde en consomme. C'est que de la musique, que tu apprends. Ses pieds et poings liés, j'ai rien oublié. J'attends pour briller, tout est quadrillé. Courte rhabillée, qu'une dans le barillé. J'éteins pour briller. Mi-ange, mi-démon, aucun code couleur. Toujours tes bébés, pour un seul plaisir, plus de mille douleurs. Ce soir j'crains des gains, laisse-moi faire tes bébés. J'te laisse ma luxure, l'espoir en lieu sûr. L'esprit en Lexus, tellement de blessures. L'amour une morsure, baiser de Judas, une dans le plexus. Bah vers en l'air, j'trinque à la belle vie. À une deuxième comme Tommy Shelby. J'pardonne à l'ennemi, mais j'oublie rien comme Benny. Dealer m'a élevé. Gros son de canaille, tombé du camion. Gardien de mon carnal, un 3 la fagnon. Témoin du carnage, du bon côté du canon. J'vais leur faire une canane. Damn. Ce que je vis, ce que je vois, ce que je fais tous les jours, t'as pas idée. Tu dis que c'est le sangré, en vrai tu l'as pas aidé. Je voulais te parler, t'expliquer, mais tu m'as pas laissé. Je voulais te pardonner, mais des fois te réapparaissais. Sais-tu vraiment gros la vie qu'on a? Je donne toujours mon cœur par bénévolat. Fais du mal, sois sûr tu paieras. Et arrête de dire que tu me feras. Tout ce qui a de la valeur se fait rare. Pousse le bouchon là tu me verras. Ce que je vis, ce que je vois, ce que je fais tous les jours, t'as pas idée. Tu dis que c'est le sangré, en vrai tu l'as pas aidé. Je voulais te parler, t'expliquer, mais tu m'as pas laissé. Je voulais te pardonner, mais des fois te réapparaissais. Sais-tu vraiment gros la vie qu'on a? Je donne toujours mon cœur par bénévolat. Fais du mal, sois sûr tu paieras. Et arrête de dire que tu me feras. Tout ce qui a de la valeur se fait rare. Pousse le bouchon là tu me verras.